Les Lions de la Colombie-Britannique ont annoncé la semaine dernière que David Ménard avait signé un contrat comme joueur autonome avec les Lions, donc les Alouettes de Montréal. Moi, ça m'a déçu, ça m'a même surpris, parce que David Ménard connaissait une bonne saison avec les Alouettes. Et je pense, si je ne m'abuse, il n'a même les sacs de carrière dans la Ligue canadienne de football. Quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut, David. Salut, ça va bien. Ça va bien. David, j'ai été très, très surpris. J'ai eu Luc Brodeur-Jourdain la semaine passée en entrevue pour le Super Bowl. On a parlé un peu de l'actualité chez les Alouettes. J'y ai mentionné que j'étais surpris. Puis lui, Luc Brodeur parlait de son départ vers les Alouettes. C'est peut-être une question de ratio de joueurs canadiens. Est-ce que c'est un peu ça? Tu peux expliquer ça? Ouais, ça ressemble à ça. En gros, là, pour faire ça Ouais. bref, ça ressemble pas mal à ça. OK. Y a-t-il vraiment des négociations? Y a-t-il vraiment avec les Alouettes pour que tu restes? Pas vraiment, non. Non. OK. Non. Puis là, ben, les Lions de la Colombie-Britannique t'ont proposé quelque chose. Il y avait d'autres équipes qui étaient en négociation? Ouais, Edmonton puis Ottawa. Edmonton et Ottawa. OK. Qu'est-ce qui a fait que les Lions de la Colombie-Britannique décident de retourner avec les Lions? Gros concours de circonstances, honnêtement, mais les Lions ont montré beaucoup d'intérêt dès le départ. On t'a perdu, David. Je ne sais pas si tu entends le son, on t'a perdu. On a perdu ton son. Donc, on est avec David Ménard en entrevue. Donc, non? OK, Oui. là, je t'entends. Donc, tu es de retour. Donc, oui, donc tu disais que les Lions de la Colombie-Britannique avaient montré beaucoup d'intérêt dans ton cas. Ouais, exactement, exactement. Puis Edmonton, il était dans la course fortement aussi. En fait, j'ai hésité beaucoup entre les deux. Même que pendant un moment, je pensais me diriger vers Edmonton, mais comme je disais, gros concours de circonstances, là, j'aboutis à Vancouver. Puis je suis vraiment très content. C'est l'équipe qui m'a repêché. Je connais bien l'endroit. C'est magnifique comme coin de pays. Ouais. Puis ils m'ont offert quelque chose qui me montrait beaucoup de respect puis beaucoup d'intérêt. Donc Quand tu as quitté les Lions, tu étais réserviste. Là, j'imagine que quand tu as trois, quatre équipes qui courent après toi, le poste de réserviste, ça ne te tente plus. Là. Probablement qu'ils t'ont promis un poste de partant. non, il n'y a jamais de promesse dans le football, OK. surtout pas dans le football Ouais. canadien. C'est sûr qu'eux ont démontré leur volonté de changer le ratio sur la ligne défensive. Donc, ça va être un avantage pour moi. Mais moi, je vais arriver là vraiment comme je me suis toujours présenté à chaque camp OK. d'entraînement, comme je me suis présenté même aux Oups. Alouettes la saison dernière. Puis. OK. David, excuse-moi, j'ai mon chien qui gère en étant direct. C'est pas de la télévision, excuse-moi. Donc, si on parlait un peu du côté des Alouettes, tu retiens quoi de ton passage avec les Alouettes? Ça a relancé ta carrière vraiment, là, parce que moi, quand tu es arrivé en 2019 comme joueur autonome, il n'y avait rien de garanti. Là, tu as mené les sacs dans la Ligue canadienne de football. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ton passage avec les Alouettes, ça a relancé ta carrière. Juste pour corriger, j'ai mené les sacs chez les Alouettes puis dans la conférence de l'Est, là, OK, pas dans la Ligue. OK. Mais tu as quand même relancé ta carrière pareil avec les Alouettes, là. Oui. Wow, ben écoute, je considère que quand je m'étais fait couper par les Lions la première fois, puis que j'étais retourné avec eux, puis que j'avais été capable de me chercher un poste de partant après seulement 3 matchs. Puis que justement, j'ai bien joué. Je pense que c'est ça qui a plus relancé ma carrière. À Montréal, j'ai simplement montré ce que j'étais capable de faire. Finalement, j'avais la latitude d'être capable de jouer à la hauteur de mon talent. OK. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, là. Moi, je vois pas ça vraiment comme ça a relancé ma carrière ou pas, là. C'est OK. vraiment, j'ai été capable de finalement jouer comme je pouvais jouer. OK. Ils ont 5 victoires, 9 défaites, là, 5 victoires, 9 défaites, oui, l'an passé. Est-ce que tu prévois, est-ce qu'ils se sont quand même améliorés sur le marché des joueurs autonomes? Ils ont raté les séries, donc certainement mais les Lions, c'est quand même une bonne organisation, donc ils devraient être de retour des séries cette année. Oui, ben écoute, c'est ça le but, là. Ouais. La Ligue canadienne, c'est tellement une ligue de changement rapide. Tu sais, ça prend seulement deux, trois signatures importantes, puis l'équipe est capable de rivaliser puis d'accéder aux grands honneurs, là. Fait que c'est on Oui, je pense qu'ils sont allés chercher des bons joueurs. Puis, écoute, quelque chose de vraiment excitant aussi, c'est qu'ils ont l'air à se diriger vers un poste de partant canadien comme carrière. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est hyper excitant, là, personnellement, comme canadien, Et c'est de qui le voir. carrière, quel Canadien qui... Présentement, ça va être le numéro un, c'est Nathan Rourke, je pense. Je ne Ah sais pas oui, comment on OK. prononce. Il jouait dans quelle université? Iowa, je pense. Ah oui, OK. Donc, c'est quand même... donc, c'est une belle évolution parce que la Ligue canadienne de football, ils n'ont pas réussi par les passés à développer de bons joueurs canadiens. C'est ça, malheureusement, qui ont été de bons carrières canadiens. Hey, en Pense que c'est terminant... surtout le fait qu'ils n'ont Oui. pas eu la chance, pour être Oui, honnête. il n'a pas eu la chance. Il a quand même eu des bons cas. Il y a lui qui est avec les Carabins, là, qu'on dit beaucoup, beaucoup de bien, qui devrait, Sénégal, là, qui devrait normalement peut-être avoir une chance dans les Canadiens éventuellement. C'est Christian Veilleux qui est à Penn State, qui n'est pas mauvais non plus. Donc éventuellement, on va avoir des Québécois comme carrière aussi, là, Absolument. éventuellement. Absolument. Dernière question, est-ce que le marché des joueurs autonomes, t'as-tu trouvé, parce qu'à la fin de la Coupe Grey, on avait vu le commissaire parler que peut-être il allait baisser le ratio de joueurs canadiens. Tout était sur la table et moi, je m'inquiétais pour le ratio de joueurs canadiens. On avait même parlé de baisser le ratio de joueurs canadiens. Est-ce que ça a apparu des négociations? Est-ce que les équipes ont montré un petit peu plus de réserve à signer des joueurs? C'est sûr qu'au football canadien, plus des meilleurs joueurs Moi, canadiens. j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Puis anyway, ça va aller dans la négociation des nouvelles conventions collectives qui va arriver dans quelques semaines, quelques mois, là. Fait que pour l'instant, ça ne change rien. Puis honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver, là. La Ben, Ligue canadienne j'espère. a tout intérêt à garder ses joueurs canadiens, puis d'être capable de De mieux montrer, de vendre son donner un sentiment produit. d'appartenance. De Pardon? mieux vendre son produit. On disait qu'à un moment Ouais. donné, tu sais. Moi, j'en parlais avec plusieurs, puis écoute, là, on parlait à un moment donné même de mettre ça à 4 à 16. C'est ça qui rend le football canadien différent. Si vous passez à 4 à 16, ça va être un circuit mineur, puis les gens ne le regarderont pas. Là, tu peux toujours dire que c'est un circuit différent, c'est un produit différent. C'est ça là, que j'aimerais savoir. C'est que tu en penses là-dessus? Ah, ben écoute, moi je pense pas que la Ligue canadienne doit changer sa Non. formule, là. Comme tu l'as dit, là, le football à trois essais, c'est un football qui est plus rapide, plus agressif. Puis avec la grosseur du terrain, puis toutes les motions justement des receveurs, toutes les motions qui sont possibles à l'attaque, ça rend le jeu tellement plus compliqué pour les défensives et tout. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus excitant à regarder. C'est juste que la ligue se vend mal. Est-ce Le que le marketing. passer plus au printemps? Tu sais, il y a plusieurs ligues qui s'essayent au printemps. La USFL, là, on va avoir l'USFL 2.0. On va avoir la XFL qui s'en vient. Ça fait quand même... Moi, je crois beaucoup à une ligue de printemps. Je trouve qu'il y a un marché pour ça. Mais est-ce que la LCF pourrait pas déménager au mois de mai, genre, et commencer leur saison au mois de mai et pas avoir la NFL d'impact? Puis mieux se vendre aux États-Unis, même ça. T'en penses? Ben, j'ai tendance à penser ça. Moi, je le dis que je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre que je pense que la Ligue, si moindrement il était intelligent puis il serait capable de se vendre mieux, il devancerait le camp d'entraînement d'une semaine à chaque année sur 5 ans. Puis dans 5 ans, on va jouer 5 semaines plus tôt. Puis comme tu le dis, on n'aura pas à rivaliser La avec NFL. la NFL, puis même le hockey quand ça recommence. Et puis. On a tout intérêt à être la seule ligue estivale la seule ligue Fin printemps, début été. Puis... exact. Fait que Ouais. non, je Moi, pense c'est que c'est dans l'intérêt de la ligue. effectivement. David, on va te donner la meilleure des chances. Est-ce que tu es dans la région actuellement? Est-ce que tu. Non, Non? toujours à OK. Montréal. OK, toujours à Montréal. Donc, on va te donner la meilleure des chances. On va te rappeler durant la saison pour voir comment ça va avec les Lions de la Colombie-Britannique. Super, merci Le beaucoup. nouveau porte-couleur des Lions de la Colombie-Britannique, le titre de la région, David Ménard. Merci, David. Merci. Merci à toi. C'est beau, salut.